moi madame mademoiselle, car je voudrais bien savoir comment vous va la dentelle. Et puis si vous me trouvez un peu trop direct, c'est parce que vous n'êtes pas la seule femme à qui je voudrais prendre la tête. Car j'aime le sexe le matin, le midi ou le soir, que ce soit dans la lumière ou bien dans le noir, le faire dans la rue ou le faire dans un lit. Mais c'est simplement dire oui quand on en a envie. Alors vous venez vous coucher avec moi. Vous venez vous coucher avec moi. Vous couchez avec moi. Vous allez vous coucher avec moi. Avec moi madame mademoiselle, car plus je vous regarde, plus je vous trouve belle. Et puis si vous me trouvez un peu trop pressé, c'est parce que la vie est trop courte, je pourrais en profiter, car j'aime le sexe. Alors parlons du sexe, mais parlons peu, car en parler c'est bien, mais le faire c'est encore mieux. Car si on pensait à toutes les bonnes choses que l'on pourrait se faire, je crois qu'il n'y aurait pas assez de mots dans mon vocabulaire. Alors vous allez vous coucher avec moi. Vous allez vous coucher avec moi. Vous allez vous coucher avec moi. Vous allez vous coucher avec moi. Car il est temps maintenant de prendre une décision. Alors ne dites pas non et laissons faire notre imagination. Car vive le sexe en noir et blanc ou bien en couleur, que ce soit le sexe à deux ou bien à plusieurs. L'important c'est pas seulement d'être à la hauteur, oui mais de mettre un petit bonnet qui nous empêchera d'avoir peur. Alors vous allez vous coucher avec moi. Vous allez vous coucher avec moi. Vous allez vous coucher avec moi. Vous allez vous coucher avec moi. Vous allez vous coucher avec moi. Avec moi. Vous allez vous coucher avec moi. Vous allez vous coucher avec moi. Vous allez vous coucher avec moi. Vous allez vous coucher avec moi. Vous allez vous coucher avec moi. Vous allez vous coucher avec moi. Vous allez vous coucher avec moi.